chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Oh là là, 45e jour déjà. On est sur la fin. On est sur la fin. Ah, on est à Avignon. On est en haut de la Cité des Papes. Voilà, dans les jardins même. Derrière, on a une magnifique vue sur toute la région, à 360 degrés presque. C'est super. Là, je peux vous dire qu'il y a le parc régional des Baronnies Provençales qui est sous la pluie. On ne voit même pas le relief tellement il y a de nuages sur ça. Donc ça, c'est pas trop par là qu'on va. Il y a un petit fort, le fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignons, je crois un truc comme ça. Villers-les-Avignons, je sais plus. Putain, je viens de regarder le plan, je me souviens déjà plus. Ce matin, en partant, on est allé à Arles, parce qu'on y était en fait. Donc on est passé par Arles, et on a été voir les arènes, et puis un petit peu plus fait le tour du centre-ville, parce qu'il pleuvait pas trop ce matin, en partant en tout cas. Donc un peu fait le tour, les rues comme ça, voilà, la grosse arène qui est au milieu, les ruines romaines, c'est assez chouette, c'est plutôt mignon. Bon, on est samedi, vraiment c'est des endroits où il n'y a rien d'ouvert, hein. Par contre il n'y a pas de vie, c'est assez fou. À part deux rues, c'est dingue. Donc après on est remonté sur la Via Rona, et puis on a roulé comme ça tout du long. Donc pas mal de petites villes comme ça, à flanc de falaise, sur un rocher, avec des fortifications, ou juste un petit château. On a fait pas mal de domaines viticoles. Voilà, on était bien tranquille sur des routes de campagne goudronnées, donc pas de soucis. Donc c'était quand même vachement agréable ce matin. Petite playlist country, folk, ça passait bien. On est passé par où ? On est passé par Beauclair, Tarascon, ça c'est très très chouette, très beau château là aussi, encore une fois sur son rocher là, il y a des châteaux partout, c'est ouf. Et puis après on est remonté, des patelins dont je me souviens plus le nom malheureusement, mais de toute façon plus ou moins le long du Rhône, et des belles pistes, de qualité, quelques problèmes d'aiguillage à certains endroits, mais pistes de qualité, très très bien, ça roule nickel, quelques grosses averses, et là on a de la chance depuis, je dirais une heure, il ne pleut plus, et le ciel est globalement dégagé, même si à l'est, là-bas sur les montagnes, c'est encore couvert. Mais là où on est, il y a un grand courant de vent, et c'est dégagé là, on est au soleil tranquillou. Donc on s'est retrouvé à la cité des papes, donc qui est très très belle, hein, avec cathédrale, puis il y a toute une place qui est construite autour, qui est assez chouette. Il y a plus d'un hectare de construction quand même, c'est assez dingue. Il y a un bateau qui est en train de drifter là, un passeur, trop stylé. Oui voilà, mais c'est beau quoi. Il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est pas mal foutu. Ça me gave, il y en a qui arrêtent pas de venir se foutre à côté de moi. Cassez-vous là. Putain, c'est pas possible ça. Ça c'est du parisien en plus, ça se voit. On s'en parle comme ça, n'est-ce pas? Et c'était pas pour rigoler, le. C'est parce qu'ils le font vraiment. Ça m'énerve. On voit d'ici Châteauneuf-du-Pape, qui a 21 km à vol d'oiseau, je crois. C'est la destination suivante. Aujourd'hui, soit on s'arrête à Châteauneuf-du-Pape, soit on s'arrête à Orange. Et je pense qu'on va s'arrêter à Orange. Et puis comme ça, ce soir, vite fait, et demain matin, on visitera un peu plus Orange. Et puis on reprendra globalement le chemin demain pour aller voir un ami qui habite pas loin de la Via Rona. Donc c'est parfait. Et puis on restera là peut-être un ou deux jours, on verra. Donc voilà, pour l'instant, chemin, de qualité. Bon, l'après-midi a pas été dégueu non plus. Hein. On est sorti d'Avignon tranquillement. C'était long de sortir d'Avignon. Hein. C'était un peu compliqué. Il a fallu que je m'accroche au GPS parce que c'était un peu gavant. Il n'y avait pas beaucoup de signalétique, encore une fois. À certains endroits, il y a vraiment des intersections. C'est un peu bizarre. Les panneaux sont vraiment curieusement placés, souvent. Bon, j'ai marché un peu dans Avignon, là, je me suis baladé, c'est vraiment une belle ville, hein. Franchement, ça a l'air assez chouette, c'était très joli, et en plus là, il faisait du soleil, donc, c'était vraiment beau, en fait, c'était vraiment, vraiment beau, j'ai beaucoup aimé, petit coup de cœur, on va pas se cacher, tout petit coup de cœur, pas comme Nantes et Montpellier, mais... Tout petit coup de cœur quand même parce que c'était vraiment beau. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'était vraiment beau. Et du coup, après, j'ai roulé. Et puis je sais pas trop combien de temps après. Boum. Allez hop, rebelote. Crevaison. Roue arrière, encore. Purée, c'est pas possible. Oh là là là, ça m'a gavé. On était encore en ville alors, donc on n'était pas très très loin, je pense. Hein. Oh là là là là, j'en ai marre de ça, j'en ai marre. Vous rendez compte, ça fait 4 fois en 2 jours. Donc la roue arrière. Et du coup, bah, je me suis arrêté sur le trottoir, et puis sur le long de la piste cyclable, et puis j'ai essayé de réparer ça, quoi. Puis là, c'était vraiment un sacré trou, quoi. Mais il était pas... C'est pas qu'il était gros, mais c'est qu'il était bien net. Et surtout, le vrai problème, c'est que mes pneus sont totalement usés. Surtout le pneu arrière, qui prend tout le poids du chargement. Hein, donc forcément, il est plus aplati. Donc il est plus usé sur la largeur. Donc lui, vraiment, là, il est vraiment très très usé. Il faudrait le changer maintenant. Donc là, en fait, il y a eu un trou dans le pneu. Donc c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le pneu et du coup ça a percé la chambre à air aussi quoi. Mais c'est-à-dire qu'à un moment je l'ai remonté. D'abord je m'y suis surpris deux fois pour changer la rustine, enfin pour mettre une rustine, j'en ai mis une. J'ai laissé sécher, j'ai remonté le pneu, j'ai regonflé et là ça a soufflé encore. Alors je me suis dit bah merde, il y a un deuxième trou. Puis là en fait je passe ma main sur la roue et je sens l'air qui passe à travers le pneu. L'air de la crevaison, là je me dis, oh yo yo, bon déjà ça pue du cul. Surtout ça veut dire que j'ai encore un trou. Enfin j'ai encore un trou dans la chambre arrière. Donc je redémonte, je regarde. Et en fait j'avais mal. J'avais mal. En fait le trou était tellement gros que la rustine que j'avais mis avait fait plus une soufflette, quoi. Donc j'ai mis une plus grosse rustine, une qui fait 2 cm là. Avec bien de la colle et tout, j'ai attendu beaucoup plus longtemps pour que ça sèche. Et j'ai bien vérifié que ça tenait. Et après, ça va. Mais du coup, ça fait que bah là, le pneu, il est vraiment usé, quoi. On commence à voir à certains endroits les fibres qui sont en dessous du caoutchouc et qui tissent le caoutchouc, quoi. Donc là, on est vraiment au bout du bout, quoi. Donc c'est chiant. Donc je suis passé chez Decathlon et il n'y avait pas de truc pour moi, enfin pour le modèle des roues que j'ai. Donc il y a un Intersport, mais bon, on est samedi, ça va ouvrir que lundi. Et demain, on va chez un copain qui habite à 30 km plus haut d'ici. Au-dessus, on est à Orange. Hein, et il habite 30 km au-dessus, quoi. Donc on va y aller et puis je pense qu'on ira dans un magasin à Montélimar, donc encore 30 km au-dessus. Mais bon, j'ai peur, on va faire attention à demain. En fait, j'ai tout le temps là. On essaiera de réparer des rafistolés chez lui avec du un genre de Shutterton ou un truc comme ça. Essayer de faire quelque chose, quoi. Mais bon. On va voir ça. Essayer de renforcer le pneu à certains endroits. Là, on a regardé avec Thibaut pour voir un petit peu. Il y a des trucs, il y a des moyens de faire du MacGyver, quoi, mais bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc vraiment, là, en fait, j'ai peur tout le temps de crever. Et je sens que la roue, enfin le pneu et la roue, enfin, et la chambre sont complètement. Enfin, le pneu est complètement dilaté, en fait. Et du coup, ça repose vraiment totalement sur le reste. Et ce qui fait que j'ai l'impression que ça se dégonfle. Mais ça se dégonfle pas vraiment. Parce que quand je check la dureté, c'est vraiment bien dur. Mais quand je suis dessus, je trouve que j'ai énormément de mal à pédaler. Et je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc là, de toute façon, il faudrait changer les pneus. Donc ça c'est sûr et certain. Maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Je pense dans la semaine, il va falloir faire ça, quoi, parce que sinon, là, je vais crever tous les jours, en fait, et ça va vraiment être gavant. Là, il me reste que deux rustines, hein. Donc c'est compliqué. Ah là là. Bon, sinon, en fait, quand j'étais en train de changer réparer le pneu, il y a deux personnes qui allaient dans l'autre sens, qui se sont arrêtées, puis ils sont revenus vers moi pour me demander si j'avais de l'aide. C'était un couple qui voyageait à vélo, ils faisaient aussi le Tour de France, mais ils le faisaient dans l'autre sens, et eux, ils venaient un peu de partir, quoi. Ils étaient, je sais plus d'où ils sont partis, mais pas très très loin d'ici, ils étaient dans leur premier jour, donc c'était marrant, qu'est-ce qu'ils étaient chargés, la vache, mais ils avaient des roues, je sais pas, ça devait être c'était du 45, voire au-dessus, quoi, c'était même au-dessus, je pense. Très très gros pneu et ils étaient vachement sympas. Merde, j'ai pas leur carte là. Non, ils étaient vachement sympas. On a discuté peut-être 5-10 minutes, quoi. Et en fait, là, ils s'entraînaient pendant 2 mois. Donc, ils partaient pour le Tour de France comme moi, en fait, hein, 2 mois à peu près. Et en juin prochain, ils partent faire la traversée du continent américain, de l'Alaska jusqu'en Amérique du Sud. Donc c'est de l'Alaska à Ushuaia. Donc naïvement, moi je leur ai dit, c'est vraiment trop con ce que j'ai dit. Enfin, en y repensant, c'était vraiment ridicule. Je leur ai dit, wow, il y en a au moins pour 6 mois. Et lui, il me dit, oh bah là, on part pour 2 ans. Oh la vache, 2 ans, purée, mais je leur ai dit, c'est oufissime, quoi, incroyable, ah, je les envie. Du coup, on a discuté un peu de ce qu'il comptait faire et tout, et c'est là qu'il m'a filé sa carte. Alors, je ne l'ai pas, là. Je sais pas où je l'ai mise. Il m'a filé une petite carte, où en fait, ils ont créé une page Facebook, où là, ils partagent un peu leur entraînement et tout, parce que ils essayent de capter des sponsors pour faire ce voyage, quoi. Pour choper de la thune, pouvoir vivre un peu aussi. Et parce que là, ils ont évidemment tout arrêté, tout vendu, tout arrêté leur job et tout, quoi. 2 ans, c'est énorme. Donc, puis je sais pas, ils avaient quoi. Ouais, ils avaient peut-être mon âge ou 2-3 ans de plus, quoi. Je sais pas trop. Ouais, ils avaient peut-être la trentaine. Ouais, je sais pas. Et du coup, il parlait de l'Alaska à Ushuaia, et la page, ça s'appelle oh merde, je sais plus, Cycling Bike, non, World America's Bike Crossing, voilà, j'ai pris la carte, comme ça va plus vite. Donc on peut la retrouver sur Facebook, sur Instagram, America Bike Crossing, America's, il y a un S, America's Bike Crossing, et ils ont même fait un site americabikecrossing.com. Voilà, ben, je leur ai dit, je vais les suivre, on va regarder un peu ce qu'ils font, de l'Alaska au Ushuaia. Ils m'ont donné une petite carte de visite, quoi. Suivez notre aventure sur nos réseaux, Facebook, Instagram, le site America's Bike Crossing. Je vais regarder. Puis ils m'ont dit, je leur ai dit, oh là là, c'est vraiment trop bien et tout, pff, trop cool, vous allez voir des trucs de ouf et tout. Et ils m'ont dit, mais hey, si tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Peut-être pas pour 2 ans. Mais why not organiser un mois T'imagines là partir un mois avec, avec le vélo là-bas ou louer un vélo. Ouais non, louer sur place c'est compliqué. Bon, tu me diras le faire aller en avion aussi, mais partir en là-bas à vélo un mois et faire un trip d'un mois sur place là-bas, on sait pas trop où. Les States, ça serait pas mal quand même, mais. Mais ouais, quand ils y sont, il va faire chaud quoi. À quoi que ça sera peut-être ouais, le temps de traverser, il sera peut-être déjà septembre. Je sais pas trop. Ouais, mais bon, je leur ai dit ah why not. On se ferme pas la porte. Du coup, j'ai pris la carte. J'ai dit bah si jamais, je vous le dirai. De toute façon, là, ils vont voir que je vais m'abonner et puis voilà. Ah là là. Ah, ils étaient sympas. Ils étaient vachement sympas, ouais. Ça a tout de suite accroché, c'était cool, on a discuté vite fait, et puis une fois que j'avais fini de réparer, tout le monde a repris son chemin, voilà. Et puis j'ai repris ma petite route vers Châteauneuf-du-Pape, voilà, là où il y a la grande vigne, quoi. C'est toutes les côtes du Rhône. Et puis c'est bien là, quand on passe dans les vignes, là, c'est agréable, il n'y a pas grand monde. C'est des routes, voilà, c'est pas des routes de campagne, c'est de l'asphalte, mais enfin, c'est des routes de campagne, mais ça reste de l'asphalte, quoi. C'est pas de la grosse départementale, une grosse artère avec plein de gens. Donc il n'y a pas trop de gens qui roulent. On passe au milieu des vignes et tout, et puis ça sent bon en fait. Ça sent bon le raisin. Ça sent bon le raisin qui est en train d'être, je sais pas, qui est en train de macérer ou qui vient d'être récolté, j'en sais rien. Ça sent le raisin déjà un peu vieilli, tu vois. Pas celui que t'as, qui est tout frais cueilli, tu vois. Celui qui a déjà un petit peu, ou celui qui est trop, trop mûr peut-être, je sais pas. Une odeur très, très forte comme ça, qui passe. Ça fait déjà quelques jours qu'on le sent, hein, parce qu'on a traversé pas mal de vignes depuis le Gard. Et il y a vraiment cette odeur-là qui est super agréable, quoi. Ah là là, je suis pas très vin, moi, mais j'y connais pas grand-chose. Mais c'est marrant parce que les pieds de vigne, là, ils sont... Le sol, c'est complètement recouvert de galets. J'avais jamais vu ça, je crois. Et du coup, c'est vraiment que des gros, gros, gros galets, quoi. Et quand je dis des gros galets, c'est la demi-taille d'un point, voire un point, quoi. Voire même plus gros. Donc vraiment que des galets au sol. Donc je sais pas à cause de quoi, pourquoi, le drainage, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ou juste arrêter l'enherbement, j'en ai aucune idée. Ou peut-être par rapport à ce cépage-là qui a besoin d'un sol ultra minéral, j'en ai aucune idée, j'y connais rien. Mais c'est marrant parce que du coup on a vu vraiment différents types de vignes et ça fait vraiment des paysages super différents, quoi. Donc voilà, on a vu pas mal de paysages ouverts un peu plus sur les montagnes. Alors, d'après analyse, c'est potentiellement le mont Ventoux qu'on aperçoit au loin, mais il était pris dans les nuages. Mais il y avait des petits pics à côté. Quand je dis des pics, c'est vraiment des pics, quoi. Des trucs, c'était vraiment des triangles pointus, quoi, limite des pyramides, qui était quand même en dessous des nuages, donc ça faisait, ça ajoute du relief, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ça quand même, parce que pendant toute la côte ouest, ça manquait énormément, en fait. Et c'est là où moi, j'arrive jamais. Je suis incapable de savoir si je préfère la mer ou la montagne, quoi. Ça, je sais pas du tout. Hein. Ça, c'est... Et je pense que j'aurais jamais un avis tranché sur la question, quoi. Je trouve mon compte dans les deux et je pense que j'arrive à profiter de ce qu'offrent les deux, quoi. Ça, c'est clair. Je ne trouve pas du tout la même chose. D'un côté, il y a vraiment le plaisir des yeux et de l'autre, il y a le calme. Ouais, si, il y a une forme de spectacle des deux côtés. J'en sais rien. Ah là là. J'ai écouté au moins, je sais pas, 7 ou 8 épisodes de Sympa la vie. Je crois que j'en ai déjà parlé dans les jours précédents. Sympa la vie, ce podcast qui s'est terminé avec deux humoristes, Ghislain Bluc et Paul de Chavannes. Il y a une quarantaine d'épisodes, ça date de 2017-2018. Et c'est la troisième fois que j'écoute c'est la troisième fois que j'écoute ce podcast en entier. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça me fait rire? Ah là là. Ça vient de Ghislain d'ailleurs. Ah là là. Là, je commence à parler comme lui, un petit peu un mix des deux, niveau intonation et tout. C'est fou à quel point on se fait. On est modelé par notre environnement et notre influencé par la culture, quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Bon là, on est à Orange. Alors, je suis juste passé au Décathlon pour essayer de trouver des. Pour essayer de trouver des pneus. Mais je devais me dépêcher pour aller au camping qui fermait à 19h. Mais du coup, j'ai raté. La réception au camping. Donc je suis pas au camping parce que j'ai loupé le camping parce que je me suis dit demain c'est dimanche, il n'y aura pas les magasins ouverts, il faut que je change mes pneus. Donc je vais m'arrêter à Decathlon, je me suis arrêté à Decathlon, ils n'avaient pas les pneus pour mon vélo. Enfin les pneus dont j'ai besoin. Donc je suis parti, il était déjà 8h40 quoi, il restait un petit 20 minutes pour aller là-bas. Et puis je me suis rendu compte, enfin Google il me disait t'arrives à 19h05 ou 10 quoi. Donc c'était mort quoi. Donc j'y suis pas. En plus bon là de toute façon il pleut. Ah, c'est reparti, j'espère que demain ça ira. Donc demain petite route. On va à Sousse-le-Crou, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à 25 km d'ici au nord. Peut-être s'arrêter un jour ou deux. On va voir si on peut rafistoler sur place le pneu arrière pour qu'il tienne le temps d'arriver à Montélimar, ou en tout cas le temps de trouver des pneus qui iront bien. Parce que là, ça va devenir critique. Je vous avoue que si je commence à crever une ou deux fois par jour, tous les jours jusqu'à la fin, bah déjà j'ai plus assez de rustine. Et puis bah simplement, ça va pas être agréable. Là, ça me gonfle. C'est tellement arrivé, hein, ça arrive quand même 4 fois en 2 jours. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, ça devient gavant. Ça enlève un peu une part de plaisir, on va pas se cacher. Hein. Surtout là, je suis tout le temps en train de m'inquiéter. Quand je roule, est-ce que je suis en train de crever? Est-ce que je suis à plat? Est-ce que je suis pas à plat? Pourquoi c'est si dur? Ça m'énerve. Ah là là, bon, je pense qu'on peut se laisser là-dessus, hein.